Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching, marcher pieds nus dans l'herbe, faire une balade en forêt, écouter le gazouillis des oiseaux ou respirer la bonne odeur des fleurs. La nature nous offre une source de détente infinie. L'heure de se mettre au vert, un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Première question donc, pourquoi avons-nous besoin de la nature, Stéphane? D'abord, la nature, c'est une échappée, un retour aux sources. C'est l'éloignement du béton, de la ferraille, du verre de nos villes pour retrouver le minéral, la terre, la végétation. C'est s'écarter du monde virtuel et informatique, des réseaux sociaux, par exemple, et revenir au contact de la matière originelle, vraie et vivante. Ensuite, c'est un retour au calme. Elle représente une façon de s'extraire de la frénésie de la ville et de nos modes de vie trépidants, à 100 à l'heure et de nos soucis quotidiens. C'est une parenthèse que nous nous accordons. La nature, c'est le calme, la quiétude, la sérénité. Tout y est lent, à l'image des arbres centenaires qui, enracinés dans la forêt, semblent immuables, inébranlables. Nous avons besoin de ce calme pour nous éloigner du tintamarre de la vie sociale et pour nous retrouver avec nous-mêmes si on est seul dans la nature, avec les siens si on est accompagné. Et enfin, c'est l'accession facile à un bien-être immédiat, même si vous ne savez pas vraiment pourquoi. Alors, on en a besoin, oui, mais quels sont les bienfaits de la nature sur la santé mentale et surtout qu'en dit la science? Une étude américaine menée sur un panel d'étudiants âgés de 15 à 30 ans montre les effets positifs de la nature sur le stress et l'anxiété, phénomène auquel est très exposée cette population, surtout à l'approche des examens. L'équipe de chercheurs de l'université de Cornell dans l'État de New York a demandé à ces jeunes d'aller chaque jour au contact de la nature. Les résultats se remarquent dès 10 minutes dans la forêt. Dans un parcours à la campagne, on note une baisse significative de l'anxiété et une amélioration de l'humeur. L'effet positif et relaxant sur la santé se retrouve ainsi dans un bien-être appréciable qui favorise la concentration et l'efficacité au travail. Le professeur Meredith, auteur du rapport, précise que seulement quelques minutes par jour dans un environnement naturel permet de réguler la tension, le rythme cardiaque et le taux de cortisol. La cortisol, ça, je vous le rappelle, c'est l'hormone du stress. On connaît à présent les bienfaits, mais comment entrer en contact avec la nature? Au printemps, en été, c'est la petite sieste dans l'herbe sous un arbre. Mieux encore, car vous vous mettez en mouvement, c'est la balade dans la nature, dans la forêt. Elle favorise l'immersion pour plus de contact, une plus grande proximité, ce qui va stimuler tous vos sens. Alors, par les sens, qu'est-ce qu'on a? On a la vue avec la beauté, la majestuosité de l'endroit avec ses formes, ses couleurs. Le vert de la belle saison, les bigarrées à l'automne et les traces des animaux sur les chemins. L'ouïe, avec le bruit de la nature, les branches qui bougent, le souffle du vent dans le feuillage, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles mortes foulées, l'eau des petites Les vaches. rivières, etc., etc. L'odorat, avec notamment l'odeur de l'humus, les mousses, les champignons ou le pétrichor, cette fragrance spécifique de la terre après la pluie. Il y a aussi le goût, avec l'eau de source que vous pouvez boire quand vous faites une pause dans votre balade, ou la dégustation des mûres ou des champignons crus, si vous êtes connaisseur, bien sûr. Et enfin, le toucher, avec notamment la sylvothérapie, faire des hug aux arbres, une Oui, pratique exact. d'origine japonaise, faire des câlins au contact des écorces. Aux États-Unis, on appelle cela le tree hugging. Et tous ces sens éveillés nous permettent d'être en pleine conscience et de vivre notamment le moment présent totalement. C'est un acte de création de bien-être direct et en plus, la marche dans la nature est un mélange de relaxation et de méditation, dite méditation dans le mouvement, pourvoyeuse de bien-être. sans compter sur l'énergie et ce que produit la nature, notamment avec ces molécules émises par les arbres et la végétation des forêts, les fameuses phytoncides bénéfiques pour le bien-être et la santé physique et psychique. On revient un peu à notre état primaire finalement, on remet vraiment tous nos sens en éveil. On est fait pour ça en fait. Et je crois, donc il faut y aller. Merci. Vous le disiez tout à l'heure, donc pas toujours facile de concilier une balade en nature avec nos emplois du temps d'hommes modernes, en tous les cas, de citadins. Combien de temps faut-il passer dans la nature pour en tirer un bénéfice? Pour revenir sur cette étude américaine sur des jeunes, les résultats montrent que certains ont passé 10, 20, 50 minutes, 1 heure en milieu naturel, mais il s'avère que c'est entre 10 et 50 minutes que le bénéfice est optimal et qu'après les effets sont moindres. C'est plutôt encourageant de savoir qu'après une poignée de minutes au contact de la nature, il est possible de se détendre, de gagner en bien-être et même prévenir des troubles psychologiques tels que l'anxiété, le stress ou encore la dépression. Il est donc important de savoir se mettre au vert et d'en prendre le temps. Mais je vis dans une grande ville, comment puis-je me ressourcer, Stéphane? C'est très basique. Finalement, le contact avec la nature, c'est aussi jardiner ou le simple fait d'avoir des plantes chez soi ou sur son balcon et de s'en occuper, de les regarder pousser basiquement et béatement. Cela apporte déjà un certain bien-être. Ce sont aussi les balades dans les parcs urbains, mieux s'évader à la campagne et encore mieux, c'est la forêt. Sans oublier l'échappée belle en week-end ou en vacances, en milieu naturel. Alors, si vous vous sentez un peu stressé ces derniers jours, et quelle que soit la météo d'ailleurs, même sous la pluie, c'est agréable, allez prendre l'air auprès des arbres et de la végétation. Si malgré tous ces bons conseils et si malgré vos différentes tentatives, vous ne parvenez pas à réduire votre niveau de stress ou que vous ne parvenez pas à lâcher prise, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un coach. Un coach saura vous aider à trouver les clés pour rejoindre une vie plus sereine et c'est exactement ce que propose Stéphane Masson ici présent. Par ailleurs, vous pouvez consulter Stéphane en consultation privée, que ce soit en face à face ou bien à distance par téléphone ou encore en visio par WhatsApp, Skype, tous les moyens mis à disposition. Nous vous mettons toutes ces informations-là dans le descriptif de cette vidéo et vous le retrouvez également sur le site internet de Stéphane qui est coach-du-6 plus plus.fr, coach-du-6 plus.fr. Et pour suivre Stéphane tout au long de l'année, et c'est mon conseil, n'hésitez pas également à le rejoindre sur son compte Instagram qui est stéphane.masson, MASSON.coach, stéphane.masson.coach. C'est bien cela? Tout juste. Voilà, et si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez voir abordés ici, n'hésitez pas à nous en faire part, nous ne manquerons pas d'en faire un prochain sujet. Stéphane, un grand merci. De rien, avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir à tous, au revoir Amélie.